Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Merci beaucoup d'être venu pour ce Floodcast Raconte. Alors, c'est le premier qu'on fait, déjà, c'est le deuxième qu'on fait tout court, et c'est le premier qu'on fait en live. Est-ce que vous connaissez Floodcast Raconte déjà ? Oui ! Ça va. Non, donc c'est une parodie en gros des trucs d'enquête de Christophe Andelat. Ce que vous allez voir, c'est de l'improvisation. Mais la trame narrative a été rédigée par Adrien Méniel. Eh bien, et bah, attention, c'est parti ! Prenons allez, place. Go ! L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui est une histoire abracadabrantesque, une histoire pleine de surprises et d'enchevêtrements, c'est le mot surprise que je dis. La soirée est plutôt calme au commissariat de la petite ville de Luçon quand le téléphone sonne. Oui, allô police, j'écoute. Oui, bonjour, c'est Nikos Aliagas. Oh, je suis un grand fan. Non, rien à voir. Ah, pardon. Ouais, aucun. Okay, un homonyme. Très bien. Ni plus ni moins. Je vous appelle parce que, bon, j'étais avec mes enfants, Houssine, Pachi et Georges Alain. Et il y a du bruit. Je sens qu'il y a du bruit en dessous et ça nous gêne. Parce que vraiment, on était en train de faire des photographies en noir et blanc. Et vraiment, on est dérangé. Ça fait 50 minutes qu'on est inside mon appartement et on est littéralement dérangé. Par du son en dessous, ça me rend complètement marteau. Voilà, je vous le dis. Beaucoup de bruit du coup. Oui, oui, oui. Si vous voulez mon avis, mais après, c'est que mon avis, je pense que c'est la folle au chat. Eh ben, on arrive. Dépêchez-vous. Pour voir ce qui se passe. On arrive tout de suite. J'attends. J'arrive. Je raccroche. Ah bah raccroche, sinon c'est je peux toi pas qui raccroche. Ah, ok. Non, c'est toi qui raccroche. Okay. Attention, à 3. C'est toi, 3, 2, 1, vas-y. Non, 1, 2, 3, ou 3. Ok, mais on fait après 1 ou. Ok. Ok, vas-y. Vas-y. 3, 2, 1. T'as pas raccroché. Allez, non. Bon, allez, je raccroche. C'était au chat, vous m'avez. Les policiers se rendent sur place, au deuxième étage, et constatent qu'une des portes sur le palier est ouverte. Tiens, masque de comédien. Attends, je sais pas si j'ai fermé la bagnole. Ah, j'ai pas de mou. Ben ça tombe bien, regarde l'entrée ici. Ah, ah, bah oui. Attends, coup de cul là quand même. Attends, c'est pas l'entrée, attends, il y a plein de portes fermées. Celle-là est ouverte. Oh, ah. Je t'en prie, passe devant car je suis très lâche. Vas-y. Oh là! Waouh! Le bibelot! Ah ok, oui! Il est immonde! Mais alors, immonde. C'est dingue, je croyais que tu parlais du cadavre à côté. Moins! Oui, mais. Oui, le, oui mais okay, quand même. Le cadavre est moins immonde que le bibelot. C'est donc vrai. C'est pour ça que j'ai. C'est vrai. C'est un cadavre, tout à fait. On nous apprend pas ça à l'école de police. Attends, si vous voulez mon avis. Le cadavre a pas pu faire de bruit. Rien ne tient debout. De quoi vous parlez? On m'a parlé de bruit, là il y a un cadavre. Donc, ah oui! Bah peut-être qu'il l'a fait avant du coup. Ok! Avant de mourir. Hein. D'accord. Oh là! Qu'est-ce que je remarque par la déco qui vous gêne? Non, c'est la flèche qu'elle a dans le cœur. Seigneur, j'ai bien l'impression qu'elle a une flèche dans le cœur. Si. Et que je fais des liaisons sur des voyelles qui n'existent pas. Si vous voulez mon avis, il faut peut-être prévenir les hautes autorités. Oh, bien sûr! J'appelle tout de suite le lieutenant. Periglionelli. Oh, je l'ai un dit, nom je l'ai bien dit dur. Une fois bien, il faut le retenir. Profitez-en. Et là, ça allait beaucoup mieux et au bout de 3 jours, j'étais guéri. Mais jamais j'ai entendu ça. Je n'entendrai plus jamais un joueur. Non, mais effectivement, j'ai jamais entendu ça. Oui, allô. Oui, lieutenant Périgord. Periglio. Alors vraiment, déjà, c'est lieutenant. Arrêtez de me discriminer, putain. Bien sûr, je l'avais. Je vous appelle puisque... J'espère que c'est important parce que je suis en train de regarder une émission de télévision sur la cathodique. Très bien, bien sûr. Très passionnante. Important, je sais pas s'il s'agit d'un cadavre avec une flèche dans le cœur. Et en quoi ça me concerne? C'est un cadavre, donc c'est assez peu commun dans de nos jours. Voilà, quand on trouve un cadavre dans la police, généralement, on vous appelle. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est ça vrai, nous c'est arrive, très bien. En tout cas. Donc il faut que je me déplace. Ce serait mieux. Toujours serait le vendredi mieux. Soir à 18h, évidemment. Oui, alors je vous précise par contre que le nom de la victime, ça pourrait vous intéresser. Non. Très bien, je vous le dis pas. Bon, allez-y toujours. Il s'agit de Annabelle Blouson, avec un B comme dans Blouson. C'est vraiment un nom de merde. C'est un... C'est peut-être pour ça qu'elle est morte. Je pense que vous allez un peu vite en besogne. si je peux me permettre. Je suis lieutenante et je mène l'enquête assez rapidement en général. Moi, je vous proposerais d'aller sur place peut-être. Ce serait... écoutez, j'arrive. Ah, je merci. Monte dans ma Twingo, je file. A tout de suite, lieutenante Perry. La lieutenante Périglionelli est une rusée, une futée, une fusée, une maline, une chafouine, une sacrée gonzesse, une bougresse, une tigresse, une débrouillarde, une braillarde, une grande gaillarde, mais c'est surtout une flic et une bonne. Arrivée sur les lieux, elle fait le point avec les officiers. Putain, je sais pas si j'ai fermé la bagnole. Normal que la porte soit restée ouverte ou... Oui, ah oui, on a touché à rien. Non, ouais, rien. Si, oh là si, là. On a touché au bibelot. Ah. Ouais. Oui. Ah, cet affreux bibelot là! Ah oui! Oh, c'est d'une laideur! Ah oui, oui. Ah, mais c'est ce qu'on immonde. Remarque tout de suite en rentrant. Quoi. Immonde. Et après, on a remarqué le cadavre juste au pied du bibelot qui était là, mais qu'on a mis là, effectivement. Alors voilà, mais si je peux me permettre, il y a une affreuse kitchenette aussi. Mais vous détestez les mobiliers, ah, on déteste les kitchenettes. C'est incroyable! C'est fou! Messieurs, je suis lieutenante Périglionelli. Nelly. Je suis lieutenante et enquêtrice de police. Bien sûr. Et une sacrée, comme on l'a dit précédemment. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une femme. Oh, et moi je peux vous dire qu'elle est morte. Oui, bah c'est, ouais, ça l'avait, je crois. Okay. Elle a une flèche dans le cœur. Ouais, ça donc paraît. Donc potentiellement, il s'est arrêté de battre. D'accord. Pareil, on vous l'a dit, ça. Ça c'est au téléphone. Ouais. Et je peux vous dire qu'elle ne respire plus. Ah, d'accord. On l'avait aussi. C'est ouais. Plein de façons de décrire la scène. Écoutez, mais... je pense que vraiment, l'enquête est bouclée là. Hein. Bah alors, non, ouais. Rien à ah non, ah non, non, non, peut-être pas, non, non, effectivement. Bah ouais. Alors vous savez quoi, il y a une flèche dans son cœur, peut-être qu'il faut analyser la flèche. Et oui, et bien peut-être sûr. Aussi, voilà. Attendez, pardon, j'avais pas remarqué, il y a des poils aussi, il y a des gens de poils sur mais le vous avez sur raison, cadavre. Vous avez raison, bah c'était oui. Un piège, c'était oui, pour sûr. Voir si vous suiviez. Bah on suivait, apparemment. Il y a des poils qui ne ressemblent pas à des poils humains sur ses vêtements. C'est vraiment la meilleure enquêtrice de France. Et je vous le rappelle, parce que c'est important, c'est une femme. Oui. Oh, mais attends, mais c'est, à mon avis, c'est des poils de chat, puisque quand j'ai eu au téléphone, on m'a dit c'est sans doute la folle au chat. Ah. Ça se recoupe. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un à interroger à ce niveau-là. Je vais aller voir les voisins. C'est pas mal comme idée. Je vais fermer la bagnole, pardon. Vas-y, bah vas-y. Parce que j'ai vraiment un doute sur la bagnole. Comme c'est une fermeture centralisée, tu sais. On avait pris... Avant, c'était quand même plus simple parce qu'en fait, tu faisais tuc-tuc et ça fermait tout. Non, maintenant, t'as les clés dans la poche, tu pars avec, tu sais pas si tu l'as fermé ou si tu l'as pas fermé. En revanche, vous fermez jamais la porte de l'appartement. Ah merde, oui. En fait, c'est pas ma baraque. À un moment, je veux dire. Non, non, mais pas de soucis. Non, mais je suis flic en fait, je suis pas Stéphane Plaza. Qu'est-ce que je fais du bibelot? Je le laisse. Vous me cassez les couilles avec le bibelot. Faites votre life. Quand on frappe à la première porte du palier, ça ne répond pas. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? La lieutenante Périglionelli interroge donc les autres voisins, à commencer par Bernard Burgot. Ouais ? Monsieur, bonjour, vous êtes Bernard Burgot ? Bernard Burgot, c'est moi, ouais. Je suis la lieutenante Périglionelli. Je suis Bernard Burgot. Formidable. Comme ça, on a bien tous les noms en tête. C'est important quand le personnage a pas une voix très différente de ceux d'avant. On insiste un petit peu sur son nom. Du coup, connaissez-vous votre voisine qui a été tuée, je le rappelle, pour que tout le monde suive bien l'histoire. Annabelle Blouson, avec un B comme dans Blouson. Annabelle Blouson, bien sûr, je la connais, mais vous savez, elle n'était pas très commode. Et je ne parle pas de Cynthia Commode, qui vit au 5e, qui fait du fitness... Elle n'était pas très sympathique. J'ai l'impression que tous les habitants de cet immeuble ont des noms d'objets. Écoutez, c'est un trope humoristique qui est assez agréable à faire. Efficace, en effet. Assez efficace. Et c'est quelqu'un que moi, pour ma part, si vous voulez, je n'appréciais pas beaucoup. Et je ne suis pas le seul. Hein, au syndic, elle ne pliait pas les cartons dans la poubelle jaune, ce qui avait tendance un tout petit peu à m'agacer, à titre personnel. Et puis voilà, elle faisait des fois la musique un peu forte alors qu'il était quand même 22h05. Et alors qu'il y a Arthur à la téloche. Bon, bref. Ça m'énervait un petit peu. Et puis alors, le truc, c'est qu'on a quand même fait la fête des voisins, une organisation. Bon, je vous passe les détails. Oh, bah, avec des lampions. Avec des lampions. On est passé chez Jiffy, on a mis des petites, petites assiettes en carton. Parce qu'au final, la planète, bon, voilà. Peu importe. Et elle a refusé, je vous le dis comme je le pense, de goûter mon cassoulet. Oh là et rien là que là de là vous en parler, j'ai un peu envie de chialer, ouais, je vous le dis, ouais, bien sûr. Ah, c'est un manque d'humanité très clair. Une merde humaine, cette femme. Si, ah bah, enfin, non, mais je, voilà, avec mes mots à moi, je vous le dis, c'est une merde. Vous pensez qu'on a pu la tuer parce qu'elle avait refusé ce cassoulet ? Ce serait selon moi la moindre des choses, mais après, je ne suis pas enquêteur. un refus de cassoulet. C'est un peu léger comme motif, contrairement à ce que viennent de dire les voisins. Non mais attendez, moi j'ai donné mon avis en tant que Bernard Burgot. Hein, je suis inspectrice, je fais des suppositions. Je fais des rectifications. Voyons voir ce que raconte l'autre voisine de palier, Sabrina Boulange. Bon, et qu'est-ce que c'est ? Bonjour Madame Boulange. Bonjour Sabrina Boulange, avec un B comme dans blouson. Eh bien justement Madame Boulange, ça tombe bien. Ouais. Connaissiez-vous votre voisine Madame Annabelle blouson avec un B comme dans Boulange ? Oh mais... Oh dis donc, vous savez parler vous hein. Oh m'en parlez pas, c'est une vraie grippe sous celle-là. Mm. Vous me faites penser à Arletty quand même. Ouais écoute, j'ai pas non plus plein de personnages dans ma besace hein, donc... Tu feras avec celui-là. Bon, qu'est-ce que je disais ? Donc, Sabrina Boulange. Bon, moi, comme vous le savez peut-être pas, je suis vice-championne de... Je vais trouver de ouais, quoi. Le... Ouais, je suis vice-championne de meilleure brioche depuis 2004. J'adore tout ce qui est pâtisserie. Un jour, je voulais me faire une pâtisserie. J'avais pas de quoi faire une pâtisserie, c'est quand même con. Alors, je descends en bas. Je demande à la Sabrina, dis donc, t'aurais pas... C'est sur le palier, mais c'est pas grave. Ouais, je descends en bas. J'ai l'impression parce qu'il y a des gens qui cuisine... sont à cheval dans ce moment. C'est-à-dire que j'ai une cuisine un petit peu haute, donc je descends de ma cuisine. Mezzanine, j'ai pas une kitchenette comme votre voisine. Une cuisine en mezzanine, ce qui ne se fait d'habitude jamais. Pour des raisons évidentes d'incendie, enfin bref. Et donc, moi je voulais faire de la brioche parce que je le rappelle, vice-championne de meilleure brioche de et France. Et puis votre en 2004. Nom est prédestiné, vraiment Boulange, voilà, c'est Boulange, un gros indice. Blouson. Et du coup, je descends, je lui dis, disons, excusez ma bonne dame, vous n'auriez pas des œufs, vous n'auriez pas du lait parce que j'ai rien, puis il faut que je fasse une brioche. Et ben, elle a refusé de me les filer, cette radine. Pas sympa, effectivement. Pas sympa. Pas sympa du tout. Du tout, non. Merci, madame Boulange. J'ai rien d'autre à dire. Avant de partir, je peux vous prendre une miche ? Allez, très très bien. Allez, je vous sers une croûte. Je vous sers un bout de pain, bah, tout simplement. J'ai Allez, pas de blague. Je prends la croûte avec. Allez. Une chose est sûre, la victime n'était pas très appréciée. Mais bon, pas de quoi fouetter un chat, et encore moins tuer une femme. Mais un nouvel élément va faire avancer l'enquête. Hé, hey, oh lieutenant Periscope, là. Bon, quoi, là ? Parce que là, vous me dérangez, je suis en train de regarder la dernière vidéo de Michou sur YouTube. Bien sûr, ouais, je connais, oui. Juste pour vous dire, on a reçu les résultats d'analyse, là. Oui. Eh ben, on a des résultats assez étranges, faut le dire, parce que trace d'alcool sur la flèche. Je parle de l'analyse de la flèche, parce que j'ai pas précisé. Oui. Trace d'alcool et d'estragol. Je sais pas si vous savez ce que c'est un composé qu'on retrouve dans l'estragon et le fenouil. Attendez, ou la béarnaise. Mais alors, on en parlait avec les collègues, ça m'étonnerait qu'on ait planté des flèches dans la béarnaise. C'est de la criminologie ou c'est marmiton ? Je sais plus. Eh ouais, bah, c'est plutôt de la criminologie. D'où, c'est pour ça qu'on a enlevé la béarnaise de l'équation en fait. Hein. Donc voilà, faut retenir alcool, estragon, oui, fenouil. Alcool, vraiment... estragol. Faites attention à ce qu'on retienne bien les bonnes choses. Je parce vais que quelqu'un nous surveille. Je le refais. Hé hey, non. Non, sur les flèches, ce qu'il faut retenir, c'est tout simple. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a retrouvé des traces d'alcool et d'estragol. Mmh. Un composé qu'on retrouve dans le fenouil. On l'avait. Hein. Et l'estragon. Vous l'aviez déjà dit. Oui, j'avais un doute. Vous me faites perdre mon temps, vraiment. De l'alcool et des herbes aromatiques. Drôle de mélange. La victime aurait-elle un penchant pour la picole ? La lieutenante Perry Glionelli décide d'aller interroger le frère de la victime, Paul Blouson. Allô ? Monsieur, je suis vraiment en face de vous, monsieur Blouson. Ah oui, pardon. Vraiment, je suis là. Là ? Oui. Là ? Ah, bonsoir. Voilà. Bonsoir, monsieur Excusez-moi. Blouson. Excusez-moi, j'ai une maladie très rare, je confonds les sons. Voilà. Monsieur Blouson, toutes mes condoléances, monsieur Blouson. Oui, je pour comprends. La perte de votre sœur. Oui, ça néanmoins, je vais aller droit au but. Vous êtes l'OM ? Petite blague. Petite blague qui m'a vraiment mise au tapis. PSG ? Non, j'ai plus rien. Monsieur Blouson ! Oui ? Est-ce que votre sœur Annabelle Blouson, avec un B comme dans Boulange, avait un problème avec l'alcool ? Écoutez, non, pas à ma connaissance. Déjà, je tenais à vous dire que je parle comme Paul Mirabel. Donc, la Mirabel, l'alcool. Tout se recoupe, dis donc, c'est ténette, j'ai l'impression. Et je peux vous dire une bonne chose, c'est que ma sœur fait très attention à ce qu'elle consomme, d'accord ? Il n'y a pas d'alcool, il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de produits laitiers, il n'y avait pas de smecta, donc autant vous dire qu'elle avait une chiasse constante. Mais elle s'alimentait. Mais je ne suis même pas sûr. Ah voilà. En tout cas, si elle s'alimentait, sachez que ça n'avait rien à voir avec les animaux. Car elle adorait les animaux, non ? Si je vous le dis. Très intéressant. Elle avait un petit chien. Mmh. Qui s'appelait François, mmh. Et pas du tout Francky. Et elle l'enculait et pas un... du tout. Non, non. Elle l'adorait, elle la caressait la petite tête, comme ça. Et elle mangeait du coup pas d'animaux. Mmh. Donc là, je peux vous le dire. Mais est-ce qu'elle pouvait se frotter à son chien, Francky, sans l'enculer, bien entendu ? Bien sûr. François, François. En tout cas, François. Si elle le faisait, elle ferait pas de story sur Insta. Mmh. C'est pas le genre. Mmh. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle ne consomme pas d'alcool, pas de viande et pas de produits laitiers. J'insiste là-dessus. Très intéressant. Voilà. Je peux refaire quelques pompes ? Je vous en supplie. Tiens donc ! Voilà pourquoi elle refusait le cassoulet et n'avait pas d'œufs et pas de lait chez elle. Elle était végane. Mais la lieutenante Periglionelli a une dernière question. Excusez-moi, monsieur Blouson. 204, oui, pardon. Mais je sais, vous êtes en plein entraînement. Oui, c'est pas grave. Vous voulez refaire un ou deux squats ? Non. Allez. Monsieur Blouson, est-ce que vous savez qui aurait pu faire le coup, car ça nous ferait gagner beaucoup de temps ? Écoutez, je peux vous le dire ? Eh bien, formidable. Comme ça, on gagne une heure et quart et on peut faire venir tous les gens qu'on a empêchés à l'entrée. Mais je suis un peu en stress. Par contre, je peux vous dire quelqu'un qui pourrait vous renseigner. Mm-hmm. Avez-vous déjà entendu parler d'un ami à elle qui est un peu étrange, un peu surprenant, qui s'intitule Paquito. Eh bien non, personne n'a jamais mentionné ce nom jusqu'ici. Tiens, tiens. Je ferme la porte. Au revoir, monsieur Blouson. Ah, attendez. Ah oui, pardon. Oui, bon, oui. Je la rouvre. Oui, moi aussi. Alors, parce que vous avez un problème avec les sons, mais j'ai un problème avec les gestes. Voilà. Eh bien, au revoir, du coup. Au revoir, monsieur Blouson. Je ferme. Il a fermé. Paquito. Un drôle de nom pour un drôle de zouave. Oui. Pardon, je ris, car je suis fou à cause de la société. Bonjour, monsieur Paquito, donc. Vous avez vraiment un chapeau à clochette comme dans le... Pas du tout comme dans le film, vous voulez dire ? Excusez-moi, je suis un voisin, vous n'avez pas vu le film. Je passais à côté, je suis très cinéphile. Non, je pensais plutôt aux bouteilles de jus de fruits. Bon. Ok, bah je repars. Oui, voilà. Très bien. Une fausse piste. Monsieur Paquito, vous êtes au courant du meurtre d'Annabelle Blouson ? Oui, je ris, mais je suis triste, c'est à cause de la société. Monsieur Paquito, que faisiez-vous le soir du crime ? Je suis hors de tout soupçon. Le soir du crime, j'étais en train de rire dans le bus. De façon incontrôlée, bien sûr, à cause de la société. Alors, effectivement, ça ne peut pas être vous. Merci, monsieur Paquito. Non, vous avez oublié de me poser une question, je pense. Ah bon ? J'ai vraiment oublié. De toute façon, je connaissais très peu la victime. Ah, c'est vrai, vous ne la connaissiez pas ? Mais je vous ai posé la question, vous voyez. Oui, je m'étais débrouillé. Nous nous étions rencontrés. Pardon, je ris au milieu des phrases. À une soirée du Front de Libération des Animaux du Grand Ouest français. Le quoi ? Le Front de Libération des Animaux du Grand Ouest. Le Grand Ouest me fait rire. Français. Mais je la connaissais très peu. Très bien. Pour ainsi dire, pas du tout. Donc vraiment, ça ne peut pas être vous. Vous êtes hors de tout soupçon, comme vous l'avez dit précédemment. Absolument. La société. Désolée pour la société. Au revoir. Au revoir, Paquito. Je vais rire de mon poste de télévision. Quel cirque ! Quel gymnaste ! Oh, la vache. Quel cirque ! Mais ce clown peinture lurée a un alibi en béton. Et les indices sont aux abonnés absents. À propos d'absents, elle décide d'aller interroger la dernière voisine de palier, celle qui n'était pas là le soir du crime. Oui, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Je ne vous cache pas que c'est au moins le 8e appartement, j'en ai un peu ras-le-bol. Mais je constate que vous avez des chats. Je vois que vous avez l'œil, oui. Oui, je suis très très observatrice. Oui, bien sûr. Et j'ai l'ouïe fine. Oui, bien sûr. Ne faites pas attention, mais sur ma tête, ce n'est pas un chapeau, mais bel et bien un entonnoir. Parce que je suis un peu zinzin. C'est étonnant, ce sont les gens toqués qui font ça. C'est vrai que je le suis un petit peu. Par exemple, là, je ne porte pas une chemise, mais littéralement une camisole de force. C'est vous dire à quel point je suis original. Oui, un peu jobard. Madame, je ne sais même pas votre nom, donc je vais vraiment... Prenez un objet, voilà, au hasard. Madame Vaz. Bien sûr, c'est moi. Madame Vaz. Miaou. Que faisiez-vous le soir? Faites pas attention, c'est mon chat qui est interprété par Gérard Depardieu. Ah oui. Parce que c'est un très gros budget. Oui. miaou. Oh, il peut vous faire plusieurs propales. Hein. Miaou, ouais, bien sûr. C'est un beau casting de chat, très beau casting de chat. Madame Vaz, que faisiez-vous le soir du crime d'Annabelle Blouzon, votre voisine? Alors écoutez. Il est un peu agressif celui-là. Attendez, parce qu'il me. Allez, oui. Il me colle à la jambe. Ah là là. Non, ouais. Allez, vas-y. Ah, donc. Excusez-moi, je suis au spectacle, je prends un peu de pop-corn. Écoutez, j'ai un excellent alibi. J'étais à Walibi. Walalibi. Walibi. Alibi. Je suis Raymond Devos, je transpire. Je transpire un petit peu. Donc en tout cas, je n'étais pas là. Voilà, je vous laisse repartir peut-être. Je suis vraiment surprise par cet alibi. Bah, j'imagine Walibi. Bien. Je vous laisse dire au revoir à tous mes chats. Au revoir le Missy chat. Gris. Au revoir. Gilsos. Gribouille. Pipou. Miaou. André. Daniel. Oh, miaou. Beaucoup de chats. Auteuil. Je vais y aller. La fille du pizzatier. Je vais partir. Parce que j'ai une enquête à mener. Bien sûr. Il faut que j'y aille. Le placard. Vraiment. Mais c'était sympa. Je vais faire la filmo de Daniel Auteuil en fait. Donc je... Au revoir. Okay. Je suis dans l'escalier. Okay. Vraiment, je suis descendu au moins deux. Très bien. Au revoir, madame Vaz. Au revoir. La folle au chat. C'est elle, pas la victime. Mais alors, quels sont les poils qui ont été retrouvés sur les lieux du crime? Ce ne sont pas des poils de chien qui n'étaient pas prévus dans l'histoire et qui vraiment embrouillent l'histoire. Mais... Ce n'était pas des poils de chien du tout. Pas c'était du pas tout. Les poils de Depardieu non plus. La lieutenante Periglionelli les fait analyser et les résultats ne se font pas attendre. Madame Periglionelli, oh putain, j'ai dit direct. Quoi? Vous me dérangez en pleine corée TikTok. Écoutez, je viens d'avoir les résultats d'analyse des poils. Oui. Et je peux vous dire que ce n'est pas un chat, mais quelque chose de bien plus gros. Et ce n'est pas un chien non plus. Et non plus. Plus gros qu'un chat? Plus gros qu'un chat. Un éléphant. C'est bien plus gros qu'un chat. Je pensais plutôt à un truc, vous voyez, avec des rayures. Un zèbre. Non, restez sur le chat. Un gros chat. Si je dis gros chat. Un lynx. Presque. Des rayures, toujours, l'oubliez pas, c'était un bon facteur. Un lynx. Une marinière, Jean-Paul Gaultier. Non. Qui vit dans un zoo. Un gardien de zoo. Bon, allez. C'est un tigre en fait. C'était un tigre. Ah, je ne m'y attendais pas du tout. Un tigre. Je ne l'ai pas vu venir, je vous cache pas. Je vois ça, mais et pourtant vous êtes la meilleure enquêtrice de France. Eh oui. Comme quoi, l'erreur est humaine. Belle conclusion. Des poils de tigre. La lieutenante. Attends, pardon, parce que tu m'avais fait venir pour que je fasse Johnny. À la base. Si. J'ai jamais dit. Non, mais je le dis maintenant parce qu'en fait tu m'as dit viens, comme ça tu pourras faire Johnny et tout. Et là. J'ai dit viens, mais j'ai jamais parlé de. Mais là, moi je veux pas continuer parce qu'il y a vraiment. À aucun moment il y a Johnny quoi. Mais on en a jamais parlé. Puis éventuellement on aurait pu peut-être en parler avant. Mais le jour moi, même. C'est le message que j'ai. Franchement, attends. Pardon, excusez-moi, mais tu m'as dit. Tu m'as dit tu pourras faire Johnny. Bon, là, ça capte pas, mais tu m'avais dit tu pourras faire Johnny. Bon. Donc c'est. Du coup, voilà, sine ça fait qua non, un peu chier, quoi. Je suis venu pour ça, quoi. Bon. Donc bon. Bah, je vais essayer de caler Johnny quelque part, mais c'est. Éventuellement, la prochaine fois, parle-moi la veille. Oui. Peut-être. Voilà, pas au moment du spectacle. Non, mais juste, voilà, toi, tu t'es fait plaisir avec ton enculé, ton Frankie et tout, ça, c'était écrit. C'était de l'impro? Non, c'est tout écrit. Bah, là, si vous voulez. Tout ça, c'était écrit. Si, moi, j'ai reçu un JPEG. Donc, moi, voilà. C'est juste ça, voilà. Bon, écoute, on va voir ce qu'on peut faire pour Johnny. Des poils de tigre. Attends, Adrien, excuse-moi. Parce qu'en fait, si Valentin il demande des trucs, je peux demander un truc quand même. Parce que, bah, bien sûr, parce qu'on n'est pas devant des gens. Et non, parce que tu. Ouais, non, mais c'est juste live. Parce que tu vois, on parle de ton chien et tout, et on parle de tigre, on parle de tout ça, et moi j'aime bien les chevaux. Sans ah, blague. Sans déconner. Et donc, du coup, bah, est-ce qu'on peut rajouter un cheval dans l'histoire? Parce que franchement, je pense que ça ajouterait, ça, c'est une valeur ajoutée, quoi. Bien sûr. Ça te ouais, fait bien sûr. Non, bah, tant qu'on y est, on va mettre un cheval dedans aussi. Ah, très bah, bien. Génial, merci. Tain, ouais, tu ça vois, va être top, ça. Tu vois, j'osais pas demander. Ah, bah, tu vois, ça m'a ouais, non, mais. Si on met les deux. Mais continuez à discuter pendant le spectacle, il n'y a aucun problème. Non, non, mais voilà. Merci, Adrien. Vas-y, on ne t'interrompt plus. Pas de problème. Des poils de. Non, pas. Non. Moi, non, je voulais un tigre, et puis en fait, c'est passé. Donc, c'est bon. Ah, non. Vas-y. C'est bon. Des poils de tigre. La lieutenante est abasourdie. Elle est même complètement perdue. C'est alors qu'elle reçoit un appel d'une vieille connaissance. Pardon. Il n'y a pas de sonnerie. J'attendais l'appel. Vous avez ma maladie. Ils sont différents. J'ai cru j'oubliais la voix du perso que j'avais tout à l'heure. Enfin, qu'est-ce que vous faites au commissariat? Alors, écoutez, c'est simple. C'est les journées du patrimoine. D'accord. Du coup, je me suis dit, je peux rentrer. Très bien. Merci de votre visite. Je ressors. Partons tous les deux. Nous n'avons rien à voir dans cette conversation. Excusez-moi. Salut, fratello. Bon. Lieutenant Perry. Quoi encore Nelly. Non, mais vous me dérangez à chaque fois que je fais des choses. Un exemple. Je stream sur Switch. Switch. Sur la Switch. Donc vraiment, je fais des trucs extrêmement modernes et à chaque fois, vous me dérangez. Bien sûr, je voulais pas vous interrompre sur Switch. Il y a Switch, des cœurs sur l'écran, il y a des choses qui se passent, je ne comprends rien, c'est fascinant. Ça me paraît un peu important en fait, parce que voilà, on a reçu un coup de fil, je crois, d'un corbeau. Alors non, je suis lieutenant de police et je vous le dis tout de go, c'est impossible. Et alors si, franchement, là au téléphone juste là, c'est un oiseau ne peut pas prendre un combiné téléphone. Alors si, pardon. Alors déjà si, le cordeau calédonien est capable de fabriquer des petits outils, ce qui lui permettrait potentiellement. Mais c'est pas la question parce que avec là c'est pas petit... du tout un oiseau. Non, le petit bec et les petites griffes. Écoutez, peuvent composer un numéro, mais parler vraiment intelligiblement, c'est compliqué. Alors, je ne parle vraiment pas de ce type de corbeau. Prenez le téléphone, vous allez comprendre tout de suite, même. Il me donne des ordres celui-là. Vous avez un accent. Pardon, Charles, c'est fou. Pardon. Je cherchais la sortie. C'est là-bas. C'est par là-bas. Je vous y emmène. Regardez, c'est là. Ouais. Le petit bonhomme vert là. C'est ça. C'est là. Mais je vous emmène. C'est la sortie de secours. Des fois, on mélange. C'est pour ça. Je vous emmène. On va comme ça. Bon, je prends le téléphone. Et vous n'allez pas être déçu. Vous allez voir. Eh ben, j'espère bien. J'ai un problème de mimétisme. Non, je comprends. Moi, je l'avais pas avant d'arriver à Avignon. Oui, allô. Au bout du fil, le fameux corbeau qui est toujours actif. Et qui masque toujours sa voix en empruntant celle d'un ancien président de la République. Et là, vous vous demandez comment je tiens le micro. Je suis le président de la République. Je mange des pommes. Je saute au-dessus du métro, de la petite tourniquet, la photo connue, crac crac. Si je peux vous dire quelque chose, les tigres dans le Grand Ouest français, crac crac crac crac, il n'y en a pas des milliers. Manger des pommes, you want me to go back to my plane, crac crac. Ce corbeau est très étrange, il mange des pommes. Vous devriez savoir où chercher le Grand Ouest français. Des tigres, ça devrait faire tac-tac dans votre tête. Tac-tac ou crac-crac-crac-crac, Jules Chirac. Des tigres dans le Grand Ouest. Je suis confuse, hein. je ne vous cache pas. N'interrompez pas. Je suis hors de la diégèse. Des tigres dans le Grand Ouest. Fort Boyard, bien sûr. L'occasion de rendre visite à celui qui a été condamné pour le meurtre de Bill du Big Deal et purge sa peine au fort avec un bracelet électronique. Lieutenant Perry Lunelli, j'imagine. Oui, bonjour, enchanté. Je suis le responsable des relations publiques du fort. Boyard, ah oui, vous vous trouvez actuellement. Félicitations. J'ai pas d'effet sonore pour le. Non, non, mais mais on est au Fort Boyard. Ouais, je vois. Voilà, je vous avez fait bon voyage. Oh, super, là, le petit bateau, ça. Y a... Ouais, voilà, parce qu'il y a des gens qui supportent pas très bien le. Il y avait de la houle. Il y avait de la houle. Il y avait de la houle, absolument. Excellent choix de musique. Vous êtes venu pour. Je suis une mouette. Ouais, non, mais j'avais compris. J'habite là, donc je connais bien les mouettes. Je connais personnellement mes gagaffes. Donc, Vous êtes venu voir interroger le père Fouras, j'imagine. Ah, j'aurais voulu voir Willy Revelli, mais je vais... Il est en train de faire quelque chose que je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas la ref. Mais, une recette, probablement. Une recette, bien sûr. Dégueulasse, mais, probablement. Eh bien non, Fouras, bah, ça, je m'en contenterai, oui, je veux bien voir le père Fouras. Oui, ça sûr. M'arrange. Ouais. Alors, je dois vous prévenir, voilà, ça n'est, il n'est plus que l'ombre de la personne qu'il a été. Bon, il voilà. a toujours été l'ombre de... Voilà, mais là, on est sur une bonne grosse pénombre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que bah, déjà, bon, évidemment, sa condamnation pour le meurtre de Bill du Big Deal lui a mis un sacré coup. Mm. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a perdu un de nos employés qui est décédé. La boule. Voilà. Mm. Donc, il a perdu la boule. La boule. Et il a perdu la boule. En 2014. Voilà, il est mort à l'âge de 62 ans. Parce Mais que j'ai fait des recherches. Vous êtes extrêmement bien renseigné, vous êtes policière. Et il est mort en Charente-Maritime, juste à côté du fort. Absolument. Une enquête que je n'ai pas résolue. Ouais, il était très. Oh. Le mystère est assez fin. Nous en interne, on a quelques pistes. Et il a donc perdu la boule. Et il a perdu la boule, le pauvre père Fouras. En plus de perdre la boule. Exactement. Au sens propre et au sens figuré. Il a perdu deux fois la boule. Il a perdu la double boule. Donc double boule. On l'appelle double boule. Il a vraiment les boules. Voilà, il a les boules d'avoir perdu la boule. Très bien. Je vous laisse l'interroger. Je reste pas loin, je reste dans le coin, le temps de lancer une musique. Oh. Je suis le père Fouras. Non, c'était pas une énigme, je me présente. Je suis le père Fouras qui vient me voir dans ma prison dorée. Oh. Bonjour, père Fouras. C'est... Bonjour. Oh, ma petite hôte, comment ça va? Bah, j'ai monté les marches jusqu'à vous, c'est. C'était haut. J'espère que vous venez pas me voir pour une association. Je déteste ça, les assos. Je veux qu'elles perdent. Non, vraiment. Je veux qu'elles perdent toutes. Je déteste les enfants malades. Oh. Qu'ils crèvent. Je l'ai dit, bah voilà, je l'ai dit. Je viens, Pierre Fouras. C'est mon prénom. Personne ne le connaissait. Personne ne le oh, savait. Vous l'avez annoncé. Je suis lieutenant de police. Je savais que vous appelez père. Pierre Fouras. Oui. Je viens pour l'enquête sur la mort de Annabelle Blouson. Est-ce que vous savez quelque chose sur ce meurtre? Vous savez, la prison m'a changé. Je suis comme Tahar Rahim dans Un prophète. Je percute des cerfs sur l'autoroute. J'ai pas vraiment vu tout le film. Je me suis endormi, je suis un vieux. Je comprends pas, les acteurs ils parlent trop vite. Oh. Est-ce que l'énigme a commencé, père Fouras? Non, toujours pas. Ah d'accord, très bien. Je connais le coupable, mais il va falloir répondre à une énigme. Mon premier annonce la suite. Et mon premier annonce la suite. Vous venez de le dire. Mon premier... annonce la suite. C'est la même chose. Moi. Oh. Non, c'est toujours votre premier, je sais. Le deuxième, non? Je suis seul. Ah, voilà. Merci, Pierre Fouras. Vous avez vraiment perdu la boule? Oh. En 2014? Le confinement nous a fait du mal, vous savez. Non, restez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh. Laissez-moi terminer mon énigme. Mon premier. Allez. Annonce la suite. Oui, voilà, mais j'ai de la route. Bon, merci, ben parce que je vais redescendre toutes les marches. Merci, Père Fouras. Merci, Tahar Rahim. Visiblement, il n'a plus la lumière à tous les étages. Au moment où la lieutenante Periglionelli s'apprête à prendre congé du vieux Maboule, un cri retentit dans le fort. Vite. C'était pas loin, en fait. Oui, bonjour. C'était vraiment juste Periglionelli. À côté, c'est fou. J'étais juste à côté, je garde une oreille attentive à ce que dit le père Fouras parce qu'il a tendance à dire des choses un petit peu... Nul saristrup. Toxique. Mais... qu'est-ce que... Oh. Attendez, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un cri. Oui, c'est Felindra qui a pris congé parce qu'elle est en état de choc. Felindra tête de tigre. Felindra tête de tigre, bien sûr. Son nom complet, oui. Dis non. Ça fait pas ce bruit-là, un tigre. Hein. Ne joue pas sur les sons. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Ce fort est une véritable auberge espagnole. Mais le responsable du fort revient aux choses essentielles. C'est Félindra, elle a trouvé une bombe dans sa loge. Une bombe ? Une bombe. Elle-même, parce qu'elle est une bombe. Jolie. Ah oui. Non, une véritable bombe qui explose, une sorte, un attentat, quoi, quelque chose de... Mais qui dit bombe dit terrorisme ? Absolument. Et qui dit terrorisme dit brigade anti-terrorisme. On et attention, on ose l'espérer. Je suis enquêtrice de police. Pardon, donc je pense qu'il faut appeler j'ai la brigade. J'ai fait du marketing, conjure de me pardonner. Écoutez, responsable du fort, vous êtes bien le responsable du fort ? Absolument. Jean-Pierre Dufort. Voilà. Je pense... C'était sympa de vouloir lancer des applaudissements, ça méritait quand même pas de... Je pense qu'il faut appeler le responsable de la brigade antiterroriste. Oui. Pour m'accompagner dans cette affaire. Bien sûr. Vous parlez de Jean-Louis Graban, j'imagine. Absolument, mon collègue oui. Jean-Louis Graban. Ce collègue de la brigade antiterroriste, Jean-Louis Graban, est le meilleur dans son domaine. Mais également un grand fan d'un célèbre rocker français. Bonjour, c'est Jean-Louis. Bonjour, monsieur Graban. Je Bonjour. Sais que vous avez beaucoup d'affaires de ce genre, mais... Je pense pouvoir vous intéresser avec celle-ci. Qu'on me gêne l'envie. Justement, j'y viens. En plus de la bombe, le criminel a libéré du gaz dans tout le fort, comme vous l'avez sûrement deviné. Il suffira d'une étincelle. Pour que tout explose, absolument. C'est pourquoi j'ai donné l'ordre de n'allumer aucune lumière. Noir, c'est noir. Et oui, fatalement, oui. À votre avis, Jean-Louis Graban, quelles sont nos chances vis-à-vis de ce terroriste ? Oh, on l'aura. On l'aura, oui, j'ai confiance, oui, absolument. Après tout, monsieur Graban, vous avez consacré toute votre vie à l'antiterrorisme. J'ai oublié de vivre. Je ne connais pas le rythme de celle-là. Oui. C'était bien. Mais bon, j'avais envie de la chanter. Et je n'imagine, j'imagine que ça n'a pas toujours été facile. Oh Marie, si tu savais. Alors non, par contre, je m'appelle pas Marie du tout. Gabriel. Non plus. Non. Non. J'en ai une dernière. Diego. Non. Écoutez, je suis la lieutenant. Bon, allez, ça suffit. Allez, non. Bon. Mais regardez sur la bombe. Elle est là. Oui. Regardez sur la bombe. Ce sont des traces. Des traces de maquillage. Wow. Du maquillage. Ça ne vous rappelle rien ? Paquito, bien sûr. C'est lui qui a fait le coup. Oui ? Non, alors... Dites-moi, Paquito. Oui ? Vous m'avez prise pour un jambon ? Là, je ris parce que c'est drôle. Pas à cause de la société. Non, c'est à cause de la société. Vous avez intérêt à cracher le morceau, Paquito. Vous m'avez menti tout à l'heure. Et j'ai perdu beaucoup de temps avec des gens beaucoup trop étranges. Moins étranges que moi, j'imagine, car je suis fou. À cause de la société. Ça non, suffit on... maintenant, Paquito. Je vous demande d'avouer. Elle a fait le monstre que je suis. Oui, c'est moi. J'imagine que vous parlez de la bombe, j'imagine. J'avoue. Mais vous vous dénoncez très vite. Mais oui, car le temps presse. Je vous ai vraiment piégé. La société. J'ai prêché le faux pour avoir le vrai. Ah, je connaissais très bien. Qui Annabelle, ça, Annabelle Blouson? La victime, je la connaissais très bien. Nous nous sommes connus, évidemment, au Front de Libération des Animaux du Grand Est français, mais nous avons lié une amitié très solide. Je pleure, mais on dirait que je ris. À cause de la mort d'Annabelle. Mais si vous la connaissiez très bien, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi ? Je vais finir cette question moi-même. J'ai posé cette bombe, car c'était son rêve. C'était une grande défenseuse. Elle défendait les animaux. De toute sa poigne. Et son rêve était de libérer les tigres de Fort Boyard. Alors je l'ai fait pour elle. Je l'ai fait pour elle et je ne compte pas m'arrêter là. Un fou peut en cacher un autre. La société, tu paieras. Quand je vous disais que c'était un drôle de zouave, je ne vous mentais pas. Mais en attendant, la lieutenante Periglionelli est à nouveau dans une impasse. Heureusement, elle reçoit un nouvel appel d'un personnage bien pratique pour faire avancer l'histoire. Lieutenant ! Lieutenant ! Oui, mais c'est pas le moment. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vos TikTok ? Je joue encore... à Game Boy ! Je chasse des Pokémon Go. Ah, c'est sur l'iPhone. J'ai cru que c'était la Game Boy, c'est l'iPhone. Donc vraiment, ça me dérange. Non, mais c'est une urgence. Bon, c'est une urgence. Qu'est-ce qui se passe ? Le corbeau veut vous parler. Mais non, mais arrêtez avec ces histoires d'animaux qui décrochent le téléphone. Ça n'a aucun sens. Je t'avais dit que t'allais galérer là. Mais non, mais... J'ai l'impression que vous ne faites aucun effort pour comprendre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un homonyme dans la langue française. Et donc ça parle effectivement de l'oiseau. Et également quelqu'un qui masque sa voix pour se faire parler. J'espère vraiment qu'il n'aura pas la voix d'un ancien président. Ah, alors vous allez être un peu déçus. Periglionelli. Je l'ai pas connu celui. Nique les flics. Fuck le 17. Ta gueule. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vis que le dealer de ma rue. Mais bordel, où est-ce qu'on trouve des tigres dans le Grand Ouest ? À part à Fort Boyard, putain, creuse-toi la cervelle, conne de flic. Écoutez, vraiment, alors, déjà, arrêtez de m'insulter. Réfléchis. Vraiment, vous n'avez pas la stature d'un président. Vous avez tout à fait raison, monsieur le premier ministre. Madame, la lieutenante de police. Écoutez, je ne vois pas où on peut trouver des tigres. Mais quel est con, putain ! Ils font pas d'études chez les flics ou quoi ? Il m'insulte beaucoup, il est la très... La géographie, bordel. Oh la vache. Fuck les 17. La charade du père Fouras. Mon premier annonce la suite. Pensez aux adverbes de liaison, putain. Les cours de français, imbécile. Ouh là là, mais vous êtes à cab, vous, hein. Ouh là là. Oh. Je suis un corbeau, mais presque un lapin, j'ai envie de vous dire. Je n'ai jamais fait d'ethnologie. Géographie, apparemment, pauvre con. Alors, attendez, les adverbes Nique de liaison. La police. Adverbes Nique de liaison. La haine. Adverbe de liaison, mais qu'est-ce donc ? J'annonce la suite, putain. Heureusement que j'ai regardé hier dans un bécherel. Puis ? Mais oui, puis, alors ? Puis, je ne vois pas. Mais putain, qu'elle est con ! Et la phrase de Paquito. Un fou peut en cacher un autre. Fou ? Puis fou ? Alors ? Fou puis ? Mais non, putain ! Je t'avais dit qu'elle fou était con. Fou depuis ? Il est fou depuis quand ? Fuit des poux ! Il fuit des poux ! Ouais. Poule... Ça, ils n'en parlent pas dans Bac Nord, hein. Putain, c'est... Abruti, là. Poule à la puits, j'en ai plus, vraiment, puits du fou ! Le puits du fou ! Mais oui, putain ! Le puits du fou ! Je suis enquêtrice de police, c'est vraiment mon métier. Bravo, mais la justice nique sa mère. Le puits du fou, le meilleur parc d'attractions de l'univers. Bientôt adapté en jeu vidéo. Mais c'est bien sûr. La lieutenante Periglionelli se rend immédiatement sur place et fonce tout droit à la ménagerie. Où elle tombe nez à nez avec une ribambelle d'animaux. Des tigres, bien sûr. Un éléphant. Une corneille aussi sur son dos, c'est elle qui a fait ce cri. Un chien, absolument pas du tout sodomisé par son maître. Bon bah waf waf, écoutez. Et finalement, d'animal en animal, elle finit dans la salle du personnel. Ah. Oh bah les dents, je suis un forgeron. J'adore tout ce qui est médiéval. Il parle tout seul ou il a des collègues ? Mais non, c'est vrai, oui, je suis là. Ah. Dame Oiseau ! Oh. Vous êtes des chevaliers ? Je suis un forgeron. je fais les épées de Forgeron. Bonsoir, gentils hommes. Oh, damoiselle. Je suis un damoiseau. Voulez-vous ? Je suis un ménestrel. Oh, on dirait un terroriste maquillé en clown, pourtant. Oh, c'est mon neveu. Ah, okay. Vous êtes donc le personnel du Puy du Fou ? Oui, bien sûr. Je suis un Forgeron. Permettez-moi de m'adapter à votre langage avec cette voix qui est censée être médiévale. Oui, bien sûr. Ok. C'est Christian Clavier dans les visites. Je t'ai cassé, Brice de Nice. Ouais. Eh bien, je retire mon home pour vous saluer. Oh, je peux le rattraper un tout petit peu si vous voulez. J'ai failli gerber en parlant. Excusez, je vais poser la question peut-être à quelqu'un qui n'a pas d'accent. Damoiseau, c'est le seul mot que je connais. Savez-vous qui est la personne en charge des tigres au Puy du Fou ? Oh, peu cher ! Ah mince. Ah zut, pas lui. Merde. On le connaît, mais si il ne travaille plus ici. Et si je peux vous donner un indice, c'est un damoiseau. Il n'était pas Forgeron. Eh ben oui, ça fait une heure qu'on improvise, donc au bout d'un moment... Voilà. Ouais. Damoiseau. Il a été licencié. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on sait que c'est un conflit avec la hiérarchie. Quelque chose de... Je ris aussi. Oui, mais attention. C'est pure joie de vivre. Ce damoiseau ne rigole pas à cause de la société. Non. Je suis heureux. Je n'en crois pas mes esgourdes. Oh, alors je connais plus de mots que nous qui bossons au Puy du Fou. Quand... Parce que je suis beaucoup plus vieille. Et votre oncle est Jean Gabin. Un damoiseau. Côte de maille. Voilà. Arrêtons de tournoyer. Si vous voulez aller lui rendre visite, bien sûr. Chez lui, il s'appelle Thierry Le Sac. Très bien. Il a une fronde ou... Non, ça c'est un Thierry, sac. La fronde. Il est donc facilement reconnaissable. C'est une besace, probablement. Très bien, et bien je... Ok. Tiens, un conflit avec la hiérarchie. On dirait que le dresseur de tigre sait lui aussi sortir les griffes. Oui, bon, ok, personne n'a de sonnette dans cet univers. Qu'est-ce que vous me voulez ? Bonsoir, monsieur Le Sac. Non, moi, en fait, j'étais viré. Ah, vous travaillez plus là ? Ouais, parlez normal. Tranquille. Oui, alors, ça m'arrange. Tranquille. Bah, de toute façon, en plus, moi, je parle de façon un petit peu moderne. Oui, vous êtes très décontracté même. ODD, voilà. Ça, c'est une... Ouais, bien sûr. ODG, c'est vrai. Aussi. J'ai fait énormément de vues, énormément de vues. Ça, c'est le signe, par exemple, de Joule. À l'audio, c'est pas ouf, mais pour les gens qui sont là, c'est top. C'est top. Monsieur Le Sac. C'est ça, Thierry de mon prénom. Très belle bourse. Merci. Vous n'êtes pas la première à me... Si, malheureusement, vous êtes la première à me le dire. Monsieur Le Sac, il me semble que vous n'étiez pas alcoolique avant. Si, je le suis. Enfin, on en avait parlé. Vous seriez et justement, pas, vous et pas permettez-moi de le dire à tout le monde, l'alcooliste, ça ne se voit pas toujours. C'est vrai. Mais oui. Dans vos eh ben oui, parce qu'on rigole, mais il y a des messages. Les préjugés. Oui, je suis alcoolique et pourtant ça ne se voit pas. Eh bien, monsieur Le Sac, déjà, il faut aller parler. Il y a un numéro qui contre s'affiche en bas voilà, de ce podcast. Donc, vraiment, n'hésitez pas, parce que c'est quand même une maladie bien grave sûr. Et on n'en parle pas assez souvent. Je vous écoute. Oui. Bien sûr. Avez-vous un rapport avec le meurtre d'Annabelle Blouzon ? Parce qu'on n'en a pas parlé depuis longtemps, donc peut-être on a oublié son nom depuis. Avez-vous un rapport avec le meurtre d'Annabelle Blouzon ? Écoutez, j'imagine que tout m'accable, à la différence de monsieur Mitterrand qui accable, et ça n'a rien à voir. Je vous avoue que tout le monde vraiment vous a pointé du doigt, vraiment comme des gros fils d'up. J'imagine. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux, je suis innocent. Vous voyez le jus d'orange innocent ? Alors, je voyais plutôt encore moi, le paquito. Ben, tout nous relie au paquito, bah... hein, attention les fausses pistes. Écoutez, les gens essaient de me faire porter le chapeau, mais je suis parfaitement innocent. La zone. Je suis jeune. Mais écoutez, vous essayez de me mettre dans la sauce ou quoi ? Vraiment, pourtant je suis sur Twitch, mais je ne comprends plus un mot de ce que vous racontez. On essaie de me faire porter le chapeau pour le meurtre, et c'est pour ça que je me suis fâché avec ma hiérarchie et que j'ai été licencié. Oh mon Dieu, vous voudriez dire que le Puy du Fou a essayé de vous faire porter le home. Écoutez, permettez-moi de citer deux rappeurs, mais ah, c'est dommage. Mais effectivement, effectivement, je me suis fait licencier pour cette raison. Eh bien, écoutez, si je peux me permettre... Attendez, je suis en train de boire de l'alcool. C'est peut-être la dernière fois. Alors, je vais rebondir sur vos rappeurs et je vais vous proposer de prendre une bouteille de Fanta. Ah oui, d'accord, putain, je n'avais pas du tout. Ah bah excusez-moi, j'ai des références également. Peut-être un peu datées. De YouTube 2006. Peut-être un peu datées. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas à Frames, mais à Video City Paris. Actuellement. Le pauvre type, je me permets. Je m'excuse. Et en attendant, le pauvre type est devenu un poivreau. Entre l'alcool et les poils de tigre sur les lieux du crime, il est le suspect numéro un. Et s'il ne parle pas, la lieutenante Periglionelli va devoir le mettre en garde à vue. Monsieur Le Sac, je vous conseille de parler d'abord à un psy. Bien sûr. D'accord. Et c'est vrai. Voilà, parlez à un psy. Vraiment, parlez-en. Et il faut le faire. Parlez-en, communiquez, c'est très important. Il faut sortir ce genre de traumatisme. Tout à fait. Et de me parler à moi. Parce que vraiment, l'heure tourne. On est en train de dépasser. Et il faut vraiment que vous me disiez qui a tué Annabelle Blouzon et est-ce que c'est vous ? Ah, écoutez, regardez mon pied. C'est du jeu. Il y a du stress. Daniel Son pied bouge, il y a du stress. J'ai peur de ce qui pourrait m'arriver, mais... Vous savez quoi, je vais vous le dire. Le coupable, c'est... Oh non ! Oh ! Une flèche ! Eh ben voilà ! Lui a percé le cœur ! Eh ben voilà autre chose. Qui s'est arrêté de battre ! Eh ben voilà ! Et donc il ne respire plus ! Super ! Et la conclusion, parce que je suis lieutenant de police, c'est qu'il est mort ! Bah ben voilà. Donc il ne peut plus parler. Ben voilà. Et nous dire qui est le coupable. Super. Encore une flèche. Cette fois, c'est sûr, le meurtrier n'est pas loin. Mais pour l'heure, retour au labo. Pas facile de faire les deux en même temps. Lieutenant de Periglionelli. Non, non, vraiment, vous pouvez pas me déranger là. C'est... Non. Ah bon, pourquoi ? Eh non, parce que je suis... Parce que je mets un filtre chien sur mon visage grâce à une application qui s'appelle Snapchat. C'est très rigolo. Et je crois que tout le monde fait ça encore aujourd'hui, j'espère. J'espère que tout le monde voit de quoi je parle. Bien sûr. À Video City, tout le monde le faisait, vous inquiétez pas. Oh, Periglioni. Oui. Leonelli, Periglioni. Eh, dis donc. Oui. Encore avec ça dessus. Oh, j'ai reçu putain, le résultat c'est Maïté, c'est Maïté. Non, je sais pas. Je sais pas, j'ai changé 3 fois de voix dans la même phrase pour le moment. Alors, j'ai reçu le résultat d'analyse de la flèche. Obélix. Astérix. Ouais. Pas mal, hein. Ouais, ouais. Très bien. Les résultats d'analyse de la flèche sont arrivés, madame. Encore une fois, c'est de l'alcool, de l'estragol. Et l'estragol, c'est... Un composé présent dans l'estragon et dans le fenouil. Je sais, Panoramix, vous me l'avez déjà fait la recette. Affirmatif, mais c'est Obélix que je faisais. On le trouve également dans l'anis, le basilic, la citronnelle, la noix de muscade... Bon, écoutez, arrêtez avec vos salades et le... Mais attendez, l'anis, vous avez dit ? Oh oui, j'ai dit l'anis. Mais tout c'est clair. Je suis lieutenante de police. La lieutenante Periglionelli a une révélation. Elle se souvient de ce qu'elle a vu à la télévision le soir du crime. Philippe Devier, bonjour. Bonjour. Vous avez eu le Covid. Vous avez dit que vous avez été soigné avec du pastis. Du pastis. Le premier soir, j'ai pris un verre ballon. Le deuxième soir, un verre à Ricard, à Bastis. Et là, ça allait beaucoup mieux. Et au bout de 3 jours, j'étais guéri. Du pastis. Philippe de Villiers, le fondateur du Puy du Fou. Ancien homme politique reconverti en complotiste. Et qui prétend avoir guéri du Covid avec du pastis. La lieutenante Periglionelli se rend immédiatement à son domicile. C'est les mêmes bruits de porte partout, c'est allez. Tout. Monsieur Philippe de Villiers. Oui. Ah, c'est spectaculaire. J'ai eu un moment de doute. C'est de la pro. Vraiment, vraiment. Si ça ressemble à Bourville, c'est pas de ma faute. Vraiment, je suis très impressionnée. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Écoutez, monsieur de Villiers. Oui. Je c'est dois quoi. Vous interroger, je veux vous faire avouer sur ce que vous avez fait. Avez-vous tué Annabelle Blouson ? C'est pas moi. Alors il va vraiment falloir avouer très rapidement. Bon, d'accord. Je vais vous le dire. Je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai bien tué... Je vais vous dire, Mme Chazal. Je vais vous dire. Écoutez. Écoutez-moi. C'est moi qui ai tué Annabelle Blouson. Mais pourquoi ? C'est très simple. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le Covid, vous voyez, le Covid qui a été inventé d'ailleurs par des élites, globalisées. Et c'est un virus qui a fait beaucoup de mal à l'industrie des parcs d'attractions, dont je fais moi-même partie puisque j'ai fait le Puy du Fou, qui est le meilleur parc de l'univers. Vraiment, venez-en, au fait, on ne comprend rien. C'était très compliqué pour nous, le Covid. Alors en plus, quand j'ai appris qu'il y avait des véganes, qui, je le rappelle, sont des reptiliens en sarouel, je l'ai lu sur Internet. Donc quand j'ai appris que des véganes voulaient libérer des tigres, alors là, j'ai dû intervenir pour défendre mon parc, qui est le meilleur parc d'attractions de l'univers. Ça va ? Très très bien. Merci. Mais que faisaient ces véganes ? Écoutez, j'ai tué Annabelle. Ah, c'est ce qu'il faut retenir. Vous répondez pas à ma question. Je les ai tués. Mais parce qu'ils voulaient faire quoi ? Ils voulaient libérer les tigres. Je crois avoir été assez clair pendant cette interview. Je ne vous écoutais pas, vraiment. Eh bien, monsieur Philippe de Villiers. Oui, c'est moi. J'en étais sûr. C'est plus facile quand on dit le nom pour l'imitation. Voilà. Nicolas Canteloup, vraiment. Ouais, voilà. C'est, ouais, il est au courant. Hein. Canteloup, vraiment. Monsieur Philippe de Villiers. Tout à fait, c'est moi. Au nom de la loi qui m'incombe, probablement, je vous arrête. Oh, mon Dieu. Et vous avez le droit de garder le silence, mais même je vous en supplie. Oui. Hop, je vous passe les menottes. Et je vous monte dans la fourgonnette qui n'était pas prévue. Et voilà. Il faut un créneau. Tout ceci... C'est un peu fort. Tout ceci n'était qu'une histoire de sous. Encore une. En voulant conserver ces précieux prédateurs, De Villiers a montré que le plus terrible des prédateurs, c'est l'homme. Ce soir-là, dans ce petit coin de Vendée, pas de course de chars, seulement des voitures de police. Et c'est ainsi qu'on passe du Puy du Fou au fond du trou. Rideau ! Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Peut-être que saluer serait peut-être une insulte au théâtre, donc non. Mais surtout à Avignon. Ouais, Avignon et tout. Oh, ils en ont vu d'autres. Hein. Je suis allé au off, bon bref. Merci beaucoup, merci énormément. J'aimerais vraiment que vous fassiez énormément d'applaudissements pour Adrien qui a tout préparé. Et un grand merci à Aude et Valentin parce que c'est très risqué. Et merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Et si, voilà, il y a des producteurs de cinéma, bon, voilà, c'est pour rigoler surtout, hein, c'est pas, voilà, c'est pas représentatif de tout ce qu'on fait. Mais voilà. Après, vraiment, voilà. Vous pouvez lui acheter le scénar parce que ça, vraiment, ça coûte rien. C'est... Il est écrit quasi. Ouais, ouais. C'est ça. Merci à l'organisation, les bénévoles du Frames. Ouais, merci beaucoup. Merci à... Ouais, ouais. Merci à la technique qui a été très très réactive. On a dû régler des trucs de dernière minute et ils ont été incroyables. Donc merci beaucoup. Ouais.